La délégation coréenne conduite par Lee Yong-ho, ministre des Affaires étrangères, a quitté le 28 juillet par vol Vientiane après avoir participé à la conférence ministérielle du Forum d'ASEAN tenue au Laos.